tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Le même. Jésus ne change pas. Adorons les rois des rois. Adorons le roi des rois. Il est Seigneur. Adorons le roi des rois. Oh, il est la vie. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Glorifions l'agneau des dieux. Glorifions l'agneau des dieux. C'est lui le chef suprême. La vérité. L'Esprit de Dieu. Invitons le Saint-Esprit. C'est lui qui sort de la profondeur de Dieu lui-même. Invitons le Saint-Esprit. Il est notre ami. Il est tous les compagnons le des leaders. C'est l'ami fidèle. Jésus ne change pas. Alléluia. qui t'a galéré.